peux monter ta guitare électrique un peu. T'as mis ta guitare derrière. T'as mis un micro, non? Micro sur la guitare, sur l'ampli?